sympathique, Rachel Birlot. À 15 ans, la boule à zéro. Non, madame, j'ai pas d'âge du bureau. Tu es antipathique, je suis antipathique, non. Demande la palèche. Tu es antipathique, je suis antipathique, non. Demande la palèche. On est les rois de la promo. Des règles, on en fait des légos. Les jours, on joue avec comique cadeau. Pas de pitié pour ses frérots. Tout le monde aura son cadeau. Tu es antipathique, je suis antipathique. Devant la palèche. Tu es antipathique, je suis antipathique. Devant la palèche. Tu es antipathique, je suis antipathique. Devant la palèche. Je suis antipathique, non, je suis antipathique.